bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas et je vois ici un banquier à faire noces. Voilà quand vous dépensez votre bien. Et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence et que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Quelles fantaisies sont les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame. Apprenez que c'est moi, je vous prie. Ah. Qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison. Ah. Et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinente, c'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. J'en ai que faire de lunettes, monsieur. Et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Mais que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cet extravagant. Madame, oh là, madame, où courez-vous? Madame, monsieur le comte, oh, faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Oh, impertinente que vous êtes. Voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je ne sais qui me tient maudite que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venu troubler. Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends et j'aurai pour moi toutes les femmes. Vous faites bien d'éviter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que cela?